Là, là, il y a du monde. Là, oui. Et les paroles, quand faut les connaître et en écrire des bonnes, il n'y a plus personne, hein. Hein? Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je vais te le dire. On refait de la techno. Comme ça, on sait plus chier la bite avec des paroles. C'est ça, les paroles?